sol gris. Autour de lui, tous les enfants sont réunis pour écouter ce qu'il va raconter. Regarde mes petits là-bas dans la nuit. Cette boule qui brille était pleine de vie. Les hommes de la guerre en étaient fiers et l'avaient baptisé la terre. Les vallées.